LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. De ce point de vue lointain, la Terre ne semble pas d'un intérêt particulier. But for us, it's different. Mais pour nous, c'est différent. Consider again that dot. Considérez à nouveau ce point. That's here. C'est ici. That's home. C'est notre foyer. That's us. C'est nous. On it, everyone you dessus love, se trouvent tous ceux que vous aimez, know, tous ceux que vous connaissez, of, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. Les cosmographes. Céline Lozen, Marie Placet. The Earth is a very small stage. La Terre est une toute petite scène in a vast cosmic arena. Dans une vaste arène cosmique. La Terre, noyée dans un raid de lumière, aperçue à plus de 6 milliards de kilomètres. Un point bleu pâle pour Carl Sagan, astronome fondateur de l'exobiologie. La photo, datée du 14 février 1990, est prise par la sonde 1 de la mission Voyager de la NASA. Comme un dernier regard sur le monde avant de disparaître dans l'univers. En tant que secrétaire général des Nations Unies, une organisation de 147 États membres, qui représente la quasi-totalité des habitants de la planète Terre, je vous adresse mes salutations au nom des habitants de notre planète. Mission Voyager, deux sondes jumelles lancées en 1977 pour explorer les planètes lointaines du système solaire. Deux missives, portant chacune un disque d'or gravé d'un bout du patrimoine de l'humanité. Nos connaissances scientifiques, nos plus belles musiques, nos salutations en toutes les langues, mais aussi des cris d'animaux, des paysages naturels et urbains et des sons terrestres. Nous sortons du fin fond du système solaire pour entrer dans l'univers, n'aspirant qu'à la paix et à l'amitié. Pour enseigner si on nous le demande, pour apprendre si nous avons de la chance. Nous savons très bien que notre planète et tous ses habitants ne sont qu'une petite partie de cet immense univers qui nous entoure. Et c'est avec humilité et espoir que nous faisons ce pas. Deux sondes lancées dans l'espace comme des bouteilles à la mer, dans le pari fou de rencontrer, possiblement, une civilisation apte à décrypter nos messages. Shalom. Une chance infime de communiquer avec des extraterrestres. Hola y saludos a todos. Ashuli. Namaskar. Bishe shanti ho. Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se aapko khush aamdeed kehte hain. Konnichiwa. O genki desu ka? Si ani bingalela maqhawe. Sinifisela inkonzo ende. Ria Dumelisa, ma reine. Sonada Kaho. Bonjour tout le monde. Deuxième épisode, croisière dans l'archipel planétaire. L'exploration spatiale n'a pas toujours été guidée par un défi scientifique et humaniste, mais dopé dans un esprit de conquête sur fond de guerre froide. Comment l'ère spatiale nous a fait découvrir le système solaire? Au Musée de l'air et de l'espace au Bourget, Mathieu Bellard, conférencier expert de l'exploration spatiale, raconte cette histoire. Une histoire qui commence en 1957 avec le lancement de Spoutnik. Le Spoutnik, c'est le deuxième satellite de la Terre, le premier satellite artificiel, puisqu'évidemment, le premier satellite, c'est la Lune, notre satellite naturel. Alors, ce n'est pas quelque chose de très grand, hein, c'est une grosse boule avec 4 antennes qui n'avait que pour objectif de montrer que finalement, mais on est à l'époque de la guerre froide, hein, l'Union soviétique est capable de lancer un satellite, parce que c'est quand même vraiment ça le départ, hein, c'est la course à l'espace dans le cadre de la guerre froide. Et le 4 octobre 1957, donc, c'est ce satellite qui va faire un bruit assez connu, le bip-bip. Alors évidemment, on ne pouvait pas l'entendre avec nos oreilles, il fallait un poste de radio qui puisse être capable de capter ces ondes. Mais donc on entendait ça, et donc c'est le premier satellite artificiel qui bien évidemment n'a pas cherché à étudier ne serait-ce que l'espace ou le système solaire. On n'est pas encore capable de partir en direction du système solaire. Mais c'est évidemment les débuts. Alors la conquête spatiale, on en parle surtout pour les êtres vivants, la première chienne Laika, ensuite le premier être humain Yuri Gagarin, la première femme dans l'espace Valentina Tereshkova, ainsi de suite. Mais pendant qu'il y a ces vols-là, il y a des tentatives de lancement de missions à destination des planètes du système solaire, et surtout les deux plus proches, qui sont Vénus et Mars. Donc il y a des sondes soviétiques et des sondes américaines qui vont être lancées à destination de ces missions. Alors il y a énormément d'échecs. Des échecs au lancement, fusées qui ne fonctionnent pas, des sondes dont on perd le signal. Mais dans la première partie des années 60, ces lancements se font. Mais il va falloir attendre en fait surtout le milieu des années 60 pour avoir les premières sondes, et notamment le programme américain qu'on appelle les Mariner, qui va permettre en fait d'aller à destination de Mars et de Vénus. Alors attention, quand on dit à destination, c'est bien évidemment, ça ne veut pas dire on se pose dessus directement, et c'est même pas on se met en orbite, c'est uniquement des survols au départ. Donc la sonde en fait n'a pas la capacité finalement de ralentir pour se mettre à tourner autour de la planète. On fait simplement des survols. Alors techniquement c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire qu'on a réussi à ce qu'une sonde fasse des mois de voyage, parce que faut considérer que Vénus et Mars, c'est plusieurs mois de voyage. Actuellement une sonde sur Mars met à peu près 7 à 8 mois pour y arriver, donc ça veut dire que la sonde a réussi quand même à fonctionner comme ça. Mais technologiquement, pour être capable ensuite de se mettre en orbite, évidemment c'est plus compliqué, parce que vous arrivez quand même assez vite, il va falloir trouver un moyen pour suffisamment ralentir, pour avoir précisément la bonne trajectoire pour se mettre à tourner autour de la planète. Je vais vous amener là-haut sur les plateaux qui sont consacrés à la Lune, Vénus, Mars et les autres planètes. Notre peuple, par son travail héroïque, a créé un vaisseau spoutnik remarquable, Vostok. Et son équipement et des plus sûrs. 1961, Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace. Je veux remercier nos savants, ingénieurs, techniciens et tous les collaborateurs soviétiques. Donc là devant vous, vous avez une reproduction d'un atterrisseur sur Vénus du programme soviétique Venera. Donc c'est une sorte de boule légèrement tronquée. Et donc l'atterrisseur s'est posé, donc les sondes Venera, c'est dans les années 70 et début des années 80. Et ben, ils ont trouvé un enfer, hein, il fait plus de 450 degrés sur la planète, la pression est 100 fois celle qu'on a ici, c'est très acide. Et donc on a eu des informations, les sondes ont réussi à renvoyer des informations pendant au maximum quelques heures. Au bout de quelques heures, on a toujours perdu le signal. Donc c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas de sondes qui vont actuellement sur le sol de Vénus. Vénus a été étudiée depuis l'orbite avec des radars pour voir à travers les nuages, mais il n'y a plus eu de sondes sur Vénus depuis les années 80. Par contre, évidemment, sur Mars, c'est, on va dire entre guillemets, plus facile, hein, parce qu'il fait quand même dans les moins 60 degrés en moyenne et quasiment pas d'atmosphère. Mais les sondes résistent beaucoup plus longtemps sur le sol de Mars que sur le sol de Vénus. Et même en envoyant des sondes qui orbitent, on ne pourrait pas espérer pouvoir récolter des informations sur l'atmosphère, sur les paramètres telluriques de cette planète ? Alors bien sûr, on peut étudier Vénus depuis l'atmosphère. C'est notamment ce qu'avait fait la sonde Magellan avec des radars. Elle a cartographié le sol, donc le radar passe à travers les nuages. On peut bien évidemment étudier, il y a une autre sonde qui s'appelait Vénus Express qui a étudié Vénus. Mais évidemment, il y a plus, on va dire, de modes martiennes. Et d'ailleurs, certains scientifiques disent qu'effectivement, il faudrait peut-être rééquilibrer les choses et renvoyer un peu plus de sondes sur Vénus. Sachant aussi que, par exemple, Mercure a été très peu étudié. Alors Mercure, le problème, c'est qu'on est proche du Soleil. Donc le Soleil attire énormément, on a tendance à accélérer. Il faut faire ralentir la sonde. Et pour faire ralentir les sondes, il faut utiliser la gravité des planètes. Et donc c'est quand même assez complexe. Ça a été possible. Il y a une sonde qui s'est mise en orbite autour de Mercure, c'est Messenger. Il y en a une autre qui est en route vers Mercure. Mais voilà. Donc effectivement, Mars est très étudié. Vénus, moins. Mercure, encore moins. Mais il y a évidemment des possibilités de les étudier. Mars est une planète qui plaît depuis la mode des Martiens. Alors les Martiens, on sait depuis le début du XXe siècle qu'il n'y en a pas. La sonde Mariner 5, qui était la première à survoler Mars, a bien évidemment vérifié ça, que c'était une planète sans vie. Évidemment, avec le succès de certaines missions, d'abord les missions Viking dans les années 70, et puis le premier rover sur Mars au milieu des années 90, bien évidemment, on a envoyé de plus en plus de sondes. Et puis, plus on a de sondes, plus on a de données, évidemment, sur une planète, plus ça incite à se poser des questions, à chercher d'autres choses. Donc, évidemment, on envoie d'autres missions. Ce qui fait qu'effectivement, à l'heure actuelle sur Mars, il y a 4 missions qui sont sur le sol martien, ce qui, évidemment, est quelque chose d'absolument unique dans le cas du système solaire. Mars est évidemment une planète qui est très, très, très étudiée. Alors, évidemment, les scientifiques qui étudient Mars diraient que, ben non, c'est pas assez étudié parce qu'évidemment, ils en voudraient plus. Mais comparé aux autres planètes, c'est celle qui est la plus étudiée. Je parle depuis le toit de la radio. The roof of Broadcasting Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city. Les cloches que vous entendez sonnent pour faire évacuer la ville, comme les Martiens approchent. Les 3 dernières heures, 3 millions de personnes se sont enfuies par la route. La première machine arrive sur la plage et reste là à surveiller la ville. Sa tête d'acier est à la hauteur des gratte-ciels. Elle attend les autres. D'où provient la fascination pour les Martiens ? Peut-être du rêve de Percival Lowell, riche industriel américain. Passionné par Mars, il observe la planète et en 1905 révèle des formes de canaux qu'il prend pour des signes de vie intelligente. Des illusions d'optique en réalité. Malgré tout, le mythe des petits hommes verts colonise la culture et nos imaginaires. Symbole de la conquête spatiale, Mars est à l'image de la mission Voyager de la NASA. Viser de nouveaux mondes pour étendre l'exploration. Un fantasme teinté aussi d'une angoisse. Celle de se faire envahir en retour dans une guerre des mondes contre des extraterrestres à la fois craints et désirés. Je vais être parfaitement clair là-dessus. Nous n'avons pas découvert des formes de vie sur Mars, aussi simple soit-elle. Il y a eu des soupçons, on va dire, dans les années, en particulier grâce aux missions Viking américaines à la fin des années 70, qui ont fait des tests pour voir s'il y avait de la vie métabolique sur Mars. Il s'avère que tous les tests ont répondu positivement, mais ensuite on s'est aperçu qu'on pouvait expliquer tous les résultats de la mission Viking par des processus abiotiques. Ce qu'on a trouvé sur Mars, c'est ce qu'on appelle des molécules organiques. Or, le mot organique peut prêter à confusion, parce que en astrophysique, organique, a priori, ça n'a rien à voir avec la vie, ça veut juste dire qu'il y a du carbone dedans. Donc moi, par exemple, dans mes cours, c'est pour ça que je préfère dire à mes étudiants des molécules carbonées, parce que, voilà. Donc on a découvert des molécules carbonées sur Mars. Donc il y a du carbone sur Mars, voilà. Sébastien Charnoz, planétologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Donc comme il y a du carbone sur Mars, comme en plus aujourd'hui les modèles de formation planétaire semblent dire que quand Mars s'est formé, peut-être que ces conditions de formation étaient beaucoup plus favorables à l'apparition de la vie. Comme on voit sur Mars des signes d'érosion fluviale, on a un peu cette idée que cette idée qui semble être relativement, en tout cas, qui a relativement supporté par les modèles d'évolution martienne, que dans le passé, il y a, alors, j'ai pas les chiffres, Alessandro connaît comme moi, peut-être 3 à 4 milliards d'années, Mars était dans une condition beaucoup plus favorable à la présence de vie. Voilà. Depuis le XXe siècle, les missions spatiales offrent aux scientifiques l'occasion d'examiner de plus près les corps du système solaire. À l'Institut de physique du globe de Paris, le planétologue Sébastien Charnoz et son collègue Alessandro Morbidelli étudient sa composition, son origine et son évolution. Donc on va présenter un petit aperçu du système solaire. Donc au centre, comme tous les systèmes planétaires, il y a une étoile, c'est notre Soleil, qui nous éclaire tous. Et l'étoile est entourée d'un cortège de planètes. Alors les planètes du système solaire sont bien distribuées et sont divisées en deux groupes. Le groupe interne est fait des planètes dites telluriques, sont des planètes rocheuses. La plus grosse des planètes telluriques est la Terre. Donc il s'agit de Mercure, Vénus, la Terre et Mars en ordre croissant de distance par rapport au Soleil. plus loin, donc à partir d'une distance qui est 5 fois la distance Terre-Soleil, on a les groupes de planètes géantes. Là, il s'agit de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ce sont des planètes géantes parce que par leur grande masse, par exemple Jupiter pèse 300 fois la masse de la Terre, Saturne 100 fois, Uranus et Neptune 15 et 17 fois. Mais ce sont aussi des planètes différentes du point de vue de leur composition par rapport aux planètes telluriques. Alors que les planètes telluriques sont rocheuses, les planètes géantes sont gazeuses. La plus grosse partie de la masse de Jupiter et Saturne est faite des gaz, d'hydrogène et d'hélium, les mêmes gaz qui composent le Soleil. Et pour Uranus et Neptune, l'hydrogène et l'hélium n'est pas la partie dominante de la masse, mais quand même deux, trois masses terrestres d'Uranus et Neptune sont composées et sont faites d'hydrogène et d'hélium, donc des planètes complètement différentes. Alors, toutes les planètes du système solaire ont des orbites qui sont quasi circulaires et quasi coplanaires. C'est-à-dire, ils sont sur le même plan qui est à peu près l'équateur du Soleil. Et cette régularité de la structure du système solaire avait induit déjà au XVIIIe siècle les savants à déduire que les planètes doivent se former dans un disque autour de l'étoile, un disque qu'on appelle donc disque protoplanétaire. Donc à l'époque de Persimmon de Laplace, c'était évidemment une théorie basée sur des considérations mathématiques. Aujourd'hui, c'est un fait observationnel parce qu'on peut observer les disques protoplanétaires, les disques circumstellaires autour de toutes les étoiles jeunes et on peut les observer avec un grand détail grâce au réseau des radiotélescopes, par exemple le radiotélescope ALMA au Chili. Donc les planètes naissent bien à l'intérieur d'un disque. Les systèmes solaires n'est pas que constitué des planètes. Ils possèdent aussi plusieurs populations de petits corps. Donc d'abord, on a une ceinture d'astéroïdes. Donc c'est une population d'objets rocheux qui se trouvent entre Mars et Jupiter. On connaît environ 1 million d'astéroïdes plus grands qu'un kilomètre de taille. Et au-delà des Neptunes, on a une deuxième population, on appelle la ceinture de Kuiper, qui est faite d'objets qui sont à la fois rocheux et composés des glaces, sont beaucoup plus nombreux que les astéroïdes. On estime qu'il y ait entre 100 millions et 1 milliard d'objets plus grands qu'un kilomètre. Et la ceinture de Kuiper est un peu diffuse. Il y a un bord interne qui est au-delà des Neptunes, les bords externes un peu évanescents. Il y a des objets qui peuvent aller très loin, jusqu'à des milliers d'unités astronomiques, l'unité astronomique étant la distance Terre-Soleil. Et cette structure s'est fondue avec une troisième population de petits corps qu'ils appellent les nuages des Oort. Là, on est carrément aux frontières du système solaire, presque à mi-chemin entre le Soleil et les étoiles les plus proches. C'est un réservoir aussi des petits corps gelés, expulsés de la région où se sont formées les planètes géantes. Et ces corps sont très perturbés par la galaxie toute entière, les passages d'autres étoiles. Donc, au lieu d'être disposés dans une ceinture, sur un disque, ils composent un nuage où les orbites peuvent avoir toutes les directions. Donc ça, c'est un peu le portrait robot du système solaire comme on le connaît aujourd'hui. Samedi 11 avril, Cap Kennedy, 13h13. Une fusée Saturne V décolle dans le traditionnel torrent de flammes et de fumée orange. Le grondement, le tremblement de terre n'épate plus personne. Objectif, le cratère Fra Mauro. Apollo 13 doit atterrir sur un véritable piton rocheux. Les Américains ne recherchent pas la difficulté, mais les ingénieurs doivent s'incliner devant les demandes des savants. Aller sur la Lune, c'est bien beau, ça coûte près de 2 milliards à chaque fois, il faut que ce soit utile pour la science. Mission difficile. Mais James Lowell, l'homme aux 4 vols spatiaux, est sûr de lui. Fred Hayes connaît son module lunaire comme votre garagiste connaît votre auto. Le bleu de l'équipe John Swigert est là, presque par accident. Il remplace un certain Matt Ely qui a commis l'erreur d'approcher quelqu'un souffrant de la rubéole. Voilà, Houston appelle la cabine. Pas de réponse. Les voilà. Pas pour l'instant. Toujours pas de réponse. 38 secondes de retard. Ok. Eh bien, nous avons vécu quelques secondes angoissantes, mais ils ont répondu. Vous le notez, le son est très faible. L'essentiel est tout de même de savoir que tout s'est bien passé derrière la face cachée de la Lune. « En plus de la ceinture des astéroïdes et de la ceinture des Kuiper, il y a aussi d'autres petits corps, mais qui, eux, ne tournent pas autour du Soleil, ils tournent autour des planètes. Il s'agit bien sûr des satellites. Tout le monde connaît la Lune. Donc la Terre a un satellite. La Lune, c'est un satellite exceptionnel, parce qu'il est très grand par rapport à la Terre. Normalement, les satellites sont beaucoup plus petits par rapport à la planète centrale. Alessandro Morbidelli. Donc, Mercure et Vénus n'ont pas de Lune. Mars a deux petites Lunes, donc l'origine est assez mystérieuse. Et après, les planètes géantes ont beaucoup de satellites. En fait, les planètes géantes ont deux populations de satellites. Des satellites qui tournent autour de la planète sur les plans équatoriaux de la planète. On les appelle les satellites réguliers. C'est un peu des mini-systèmes solaires autour d'une planète au lieu qu'être autour d'une étoile. Et après, il y a plus loin, aux frontières de l'osphère d'influence gravitationnelle, il y a ce qu'on appelle les satellites irréguliers. Ce sont des objets qui ont des orbites très excentriques, très inclinées par rapport à la planète. Ce sont un peu l'équivalent du nuage des Oort, mais centré sur la planète au lieu d'être centré sur le Soleil. Planète, lune, comète, quels sont les endroits convoités par l'exploration spatiale? Dans les lents de conquête, explorer n'est pas que survoler. Peu à peu, l'enjeu est d'arriver à se poser sur ces nouveaux mondes. Donc lorsqu'on va sur un astre qui est un astre rocheux, on peut se poser dessus. Évidemment, au début, on fait un survol. Sur la Lune, le premier survol, c'est la fin des années 50 avec la sonde Luna 3, donc il prend ses premières photos de la face cachée. Il va falloir attendre 1966 pour avoir les sondes soviétiques Luna 9 et Luna 10 qui arrivent à se mettre en orbite et qui arrivent à se poser en douceur. Parce que s'écraser, c'est un peu plus facile, entre guillemets, mais se poser en douceur, il faut attendre 1966. Mathieu Bellard. Donc ici, devant vous, vous avez un plateau avec le sol qui représente le sol lunaire. Et vous avez sur la gauche le Lunarod. Le Lunarod, c'est un rover ou astromobile qui a été envoyé par l'Union soviétique au tout début des années 70 sur la Lune. Donc Lunarod 1 et Lunarod 2. Ici, c'est la maquette du Lunarod 1. Tout est à l'échelle 1, donc c'est la taille d'une petite voiture avec 8 roues électriques. Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose de mobile qui pouvait se déplacer et donc étudier un terrain plus important. Donc c'est ce qui a été fait dans les années 70. Et le Lunarod, c'est le rover soviétique des années 70 sur la Lune. Et à l'heure actuelle, on est capable d'envoyer quelque chose qui fait à peu près la même taille, à peu près le même poids, donc grosso modo la taille d'une petite voiture, mais sur la planète Mars. Donc c'est les rovers Curiosity et Perseverance qui sont actuellement en train de fonctionner sur le sol martien. Donc évidemment, on est beaucoup plus loin, parce qu'au lieu de 3 jours de voyage à peu près, on est à 7 à 8 mois de voyage. Et puis l'ambition n'est pas la même. Là, on a vraiment l'objectif de récolter des échantillons, les caractériser, d'envoyer ces informations ici sur Terre. Oui, alors les missions, elles vont dépendre des instruments qu'on met à bord. Évidemment, prendre des photos, c'est ce qui ressort le plus parce que c'est ce qu'on voit le plus. Mais analyser, évidemment, et sur les sondes martiennes, faire le plus possible d'analyse de roches. Alors, en essayant de prélever directement des échantillons, mais aussi un petit peu à distance. Il y a un petit laser qui tire sur une roche, ça vaporise la roche, et puis on arrive à analyser comme ça ce qui s'est vaporisé. Mais c'est aussi une question de durée, puisque le Lunarod, on est à plusieurs mois de fonctionnement. Curiosity est sur Mars depuis 2012, donc ça fait plus de 10 ans que la sonde est en activité sur le sol martien. Bien, nous sommes en direct, je crois. Donc, on ne pourrait pas être plus heureux que ce que nous sommes actuellement. Oui, nous y sommes. Philae nous parle. Les premières choses qu'on nous a dit, c'est que les harpons ont été actionnés, que le train d'atterrissage a été bien installé. Nous sommes sur la surface. Philae nous parle. Et nous sommes prêts donc à recevoir les informations. Nous sommes là. Nous sommes sur la comète. Alors Philae, c'est l'atterrisseur de la mission Rosetta. Rosetta, c'est une mission d'exploration d'une comète avec l'idée non seulement d'aller à proximité d'une comète. Donc une comète, c'est un astre glacé, rocheux, donc mélange de ces deux éléments de façon plus ou moins différente. Et donc c'était d'aller à proximité d'une comète, mais ça on l'avait déjà fait par exemple dans les années 80 avec la comète de Halley. Mais cette fois-ci de pouvoir rester longtemps, donc se mettre en orbite autour de la comète, et ensuite de pouvoir se poser dessus et de l'étudier pendant plusieurs, l'idéal, plusieurs années, entre le moment où elle se rapproche du Soleil et le moment où elle s'éloigne. Donc la mission Rosetta a été lancée par une fusée Ariane 5, et au bout de 10 ans de voyage, elle a réussi à aller vers la sonde. Alors 10 ans de voyage, c'est pas parce que c'est la distance qui fait 10 ans, 10 ans c'est le temps pour aller vers Pluton, mais c'est juste parce que si vous voulez vous mettre à tourner autour, il faut pas aller simplement directement. Si vous essayez de rattraper une voiture qui roule, bah, il va falloir qu'à un moment donné, vous ayez une trajectoire quasiment parallèle pour aller avec une vitesse très faible par rapport à la comète. Voilà, donc c'est relativement long, mais au bout de 10 ans, Rosetta s'est mis en orbite autour de la comète, la sonde principale est restée en orbite, et donc l'atterrisseur s'est posé sur le sol de la comète de façon un peu rocambolesque, puisque l'atterrisseur a rebondi et est allé finalement s'arrêter dans une position quand même assez acrobatique sur le sol de la comète, mais il a pu fonctionner pendant quelques jours et faire des analyses pendant que Rosetta continue à tourner autour. 4, 3, 2, 1, top. Alors, il y a eu des problèmes au tout début, mais beaucoup de problèmes techniques, en fait, plutôt sur les sondes ou sur les lanceurs. Mais effectivement, maintenant, on est capable tout à fait de lancer avec une précision très importante. D'ailleurs, il y a une image qui est souvent donnée. On a, dans le système solaire, entre Mars et Jupiter, une ceinture d'astéroïdes. Cette ceinture d'astéroïdes, en fait, c'est énormément de vide. Et on a souvent l'image du film Star Wars où il y a le Faucon Millennium qui passe entre les... En slalom, véritablement. En fait, c'est pas du tout le cas. Il y avait quand même, oh, je vais pas dire une crainte, mais un petit questionnement lorsque ces sondes ont passé la ceinture d'astéroïdes, de savoir ce qui allait se passer. Mais il n'y a absolument aucun souci. Les probabilités de collision sont extrêmement faibles. Et toutes les sondes, parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre depuis le début de la conquête spatiale, aucune n'a percuté quelque chose en passant la ceinture d'astéroïdes. Donc oui, effectivement, c'est énormément de vide. Lorsqu'on représente le système solaire, forcément, on grandit sur les images, les planètes, pour arriver à les reconnaître. Sinon, c'est des petits points infimes à l'intérieur. Opération 2AB. Pour être en orbite, en fait, c'est relativement rapide, c'est une trentaine de minutes. Suivant le type d'orbite, ça peut être un peu plus long, mais c'est quand même assez rapide pour se retrouver en orbite autour de la Terre. C'est à comparer évidemment au temps qu'il va y avoir de voyage ensuite si on veut aller vers une planète, parce que les planètes dites intérieures, comme Mercure ou Vénus, ou planètes comme Mars, ces planètes rocheuses, sont en fait entre guillemets assez proche de nous, c'est quelques mois de voyage, toujours entre guillemets quand il s'agit de voyage dans le système solaire, mais les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, c'est des années de voyage. Donc là, on va être dans des temps évidemment beaucoup plus longs. Penser que les planètes se forment là où elles se trouvent. La découverte des planètes extrasolaires a montré que les systèmes planétaires peuvent être très différents entre eux et le système solaire n'a pas du tout une structure typique. Alessandro Morbidelli. Alors qu'on s'attendait que les lois de la physique étant universelles, bah, grosso modo, tout système planétaire dû ressembler au nôtre, avec des planètes telluriques à l'intérieur, des planètes géantes à l'extérieur, tout le monde sur des orbites circulaires et coplanaires. Mais pas du tout. Donc on voit toute une grande panoplie de systèmes possibles. La découverte de ces systèmes et de leur diversité nous a donc montré que la formation planétaire n'est pas si simple qu'on pensait. Les planètes ne peuvent pas simplement se former là où elles sont, mais au fur et à mesure qu'elles se forment, qu'elles grandissent, elles interagissent entre elles, elles interagissent avec les disques qui les forment, ce qui induit leurs orbites à migrer, à changer, et ceci ouvre la porte à un grand nombre d'évolutions possibles. En fait, les systèmes planétaires évoluent d'une façon chaotique, donc ça veut dire que leur évolution devient très très sensible aux conditions initiales, aux conditions environnementales. Donc pour les systèmes solaires, évidemment, donc on a affaire à un cas unique. Je pense qu'une avancée majeure a été obtenue grâce à la découverte de la ceinture de Kuiper, donc cette population des petits corps qui se trouve au-delà de Neptune. on pensait que vu que on était au-delà des planètes, on aurait trouvé une population de petits corps qui garde la structure originelle des disques. Mais en fait, avec les découvertes, on s'est aperçu que cette population de petits corps a des orbites très excentriques, très inclinées, donc a été très fortement perturbée par les passés, tout en étant plus loin que toutes les planètes. Ceci nous a induit à modéliser l'évolution passée du système solaire et à comprendre que l'évolution des planètes a dû passer par une phase d'instabilité dynamique. Et à ce moment-là, les planètes, en particulier les planètes géantes, sont devenues temporairement excentriques et inclinées et ont changé d'orbite. Et ces grands changements de structure du système solaire a dispersé la population des petits corps. Et ce qu'on voit aujourd'hui au-delà de Neptune est le résultat de cette dispersion qui est l'issue de cette phase d'instabilité dynamique des planètes. Donc, en 2005, on a un peu, pour la première fois, révélé que l'évolution du système planétaire n'est pas triviale et passe par des grands bouleversements, des grands changements. Et c'est ces bouleversements, ces grands changements qui peuvent en fait aboutir à la grande diversité des systèmes planétaires qu'on observe quand on regarde les exoplanètes. Depuis leur formation chaotique il y a 4,5 milliards d'années, les planètes se sont équilibrées dans un mouvement elliptique et harmonieux. Un vieux concept prétend que leur balade autour du Soleil serait liée à une mélodie. D'où provient cette idée plus mystique que scientifique ? Là, vous ouvrez vraiment une boîte de Pandore historique, c'est-à-dire que on peut remonter très très loin, en particulier, alors on le date, c'est plutôt une sorte de légende, est-ce que ça s'est vraiment passé historiquement, je ne le sais pas, qui fait intervenir Pythagore. Jean-Philippe Usan, cosmologiste à l'Institut d'astrophysique de Paris. En fait, on raconte que Pythagore se baladait, donc on est au 5e siècle avant notre ère, il se balade dans son île de Samos et il aurait observé des forgerons qui tapaient avec leurs marteaux sur leurs enclumes et que les bruits de ces enclumes étaient différents en fonction de la masse des enclumes. Il va même jusqu'à demander aux forgerons d'échanger leurs marteaux pour vérifier que c'est pas la force des forgerons, mais bien la taille des marteaux et des enclumes qui est en jeu. Et donc, il a une observation entre un phénomène de la nature, en fait. On tape sur des enclumes, elles ont une taille différente, elles émettent des sons différents. Et donc, il rentre chez lui, il va commencer à mettre en œuvre toute une série d'expériences. Alors ça, on en trouve des traces dans certains livres du Moyen-Âge, où on voit Pythagore avec des cloches de différentes tailles, des cordes plus ou moins tendues, des verres d'eau plus ou moins remplis, comme on faisait à la cantine, et puis on tape dessus, ça fait de la musique. Et il essaye de se poser la question du lien entre la masse de ces cloches ou leur taille, la tension des cordes ou la longueur de ces cordes ou la quantité d'eau dans un verre et le son que ces objets émettent. Donc il fait cette expérience-là et il va commencer à observer un certain nombre de choses. En particulier, il va remarquer que si on prend une corde et qu'on la fait vibrer, donc on a un certain son qui va dépendre de la longueur de la corde. Si on met son doigt au milieu de la corde, alors ceux qui sont violonistes ou guitaristes l'ont déjà fait, et les enfants qui apprennent la musique peuvent le faire tout de suite, on fait sonner la corde et ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir le même son, mais une octave plus aiguë. Et donc, il dit, c'est quand même bizarre, il y a une relation assez simple entre deux sons qui sont en fait la même note à deux octaves différentes. Donc, si on les joue ensemble, ça va faire un accord consonant. Et deux nombres qui sont simples, qui sont 1 et 2, puisque j'ai une corde et la moitié de la corde. Donc, c'est le rapport 1 sur 2, 1 demi. Et donc, à partir de cette constatation, on va dire scientifique, va se créer une théorie dans lequel on va vouloir réduire la plupart des phénomènes du monde à des rapports simples. Et donc ces nombres 1, 2, 3, 4 vont jouer un rôle énorme dans la façon dont on perçoit l'univers dans son ensemble. Alors à l'époque, l'univers s'est simplement réduit au système solaire. On croyait que la Terre était au centre de l'univers, que toutes les planètes et le Soleil tournaient autour de la Terre et que le tout était contenu dans une grande sphère sur laquelle étaient déposées les étoiles et qui s'appelait le cosmos, donc la voûte céleste. Et donc se pose la question de savoir quelles sont la distance des orbites de toutes ces planètes et du Soleil et de la Lune et de la voûte céleste autour de la Terre. Et on va postuler en fait qu'elles sont dans les mêmes même rapport, donc un demi, deux tiers, trois quarts de ces fractions qui jouent en fait le rôle des accords harmonieux que Pythagore utilise pour créer les notes de sa gamme. Et donc en fait, à partir de là, il va y avoir une sorte de dérive. Donc là, il n'y a plus rien de scientifique, c'est vraiment une construction mentale. On postule que chaque planète a une taille d'orbite, que chaque planète va émettre une note, que ces notes sont dans ces rapports mathématiques harmonieux et que ça fait une gamme. En fait, on a sept corps, si on va jusqu'à... Donc, on a le Soleil, la Lune, cinq planètes que l'on connaissait. Donc, on va avoir sept notes. Et en fait, on va avoir une sorte de gamme, des tons, des demi-tons. Et en fait, c'est comme si chaque orbite était l'accord d'une grande lyre cosmique. D'accord ? Et donc, on va imaginer, ça va dériver petit à petit. On retrouve des traces dans plein de textes, en particulier chez Cicéron, chez Platon, chez Aristote, que les planètes émettent des sons, que ces sons sont dans des rapports harmonieux et donc que l'univers est baigné de musique. Et ça, c'est cette idée d'harmonie des sphères. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ces sons. Donc ça va être un grand débat. C'est-à-dire que croire est une chose, mais si c'est un phénomène de la nature, il doit être partagé et chacun doit être capable de l'expérimenter. Et il va y avoir comme plein de débats, de savoir, plein d'explications, de savoir pourquoi nous n'entendons pas ces sons. La Terre au centre donne le ton de l'hypate. La sphère étoilée donne la nette conjointe. Le Soleil, au milieu des astres errants, fait résonner la mèze. La sphère de cristal est en accord de quarte. Saturne est plus bas d'un demi-ton. Jupiter s'écarte autant de Saturne que du terrible Mars. Le Soleil, joie des mortels, et d'un ton au-dessous. Vénus diffère d'un triémiton du soleil éclatant. Mercure roule d'un demi-ton inférieur à Vénus. Théon de Smyrne. Alors pour comprendre le lien, et alors là ça va, on va sauter plusieurs siècles, parce que tout ça va culminer avec un livre qui s'appelle « L'harmonie du monde » qui est écrit par Kepler en 1619. C'est un livre en cinq chapitres, il y a au début tout un chapitre sur la géométrie, un chapitre sur l'arithmétique, et il y a le dernier chapitre, le cinquième chapitre, où il parle de la musique en fait des planètes. Et là, c'est d'abord un chapitre d'astronomie. Il s'intéresse au mouvement des planètes autour du Soleil. Donc là, on a fait un saut dans l'espace et surtout dans le temps. Et entre-temps, il y a eu Copernic. Et donc, on a l'idée que la Terre n'était pas au centre du système solaire commençait à être établie, en tous les cas, dans le monde des astronomes et des scientifiques. Et donc, il place le Soleil au centre du système solaire. Et il faut comprendre quelle est la trajectoire des planètes autour du Soleil. Alors ça, c'est quelque chose que des étudiants de lycée, de première année d'université apprennent. Ils apprennent les fameuses trois lois de Kepler. Et parmi ces lois de Kepler, il y en a une qui nous dit que le mouvement des planètes n'est pas un mouvement circulaire, mais c'est une ellipse. Donc une ellipse, c'est comme un cercle, mais un petit peu aplati. Et donc il comprend que la vitesse d'une planète autour du Soleil ne va pas être constante. Donc imaginons, pour commencer, qu'on ait une planète qui tourne autour du Soleil, elle va avec un mouvement circulaire, toujours à vitesse constante. Donc il va y avoir une fréquence, le temps que prend la planète pour faire le tour du Soleil. Pour la Terre, c'est un an. Pour d'autres planètes, c'est plus ou moins long. C'est plus long si la planète est plus loin du Soleil et c'est plus court si elle est plus proche du Soleil. Et bien, là, on a une fréquence. Le temps qu'il faut pour faire le tour, donc c'est une période. L'inverse d'une période, c'est une fréquence. Et on pourrait dire, ben, on va transformer cette fréquence en un son. Et donc, on va pouvoir associer une note à chaque planète. Donc ça, c'est la première chose qu'on pourrait faire. Puis ensuite, Kepler se rend compte que la vitesse de la planète n'est pas la même le long de sa trajectoire. Il va y avoir des moments où elle va plus vite, des moments où elle va moins vite. Et donc, en fait, bien sûr, il y a une période, par exemple, un an pour la Terre. Mais comme la vitesse change, il va associer pas simplement une note, mais une petite mélodie d'une fréquence basse à une fréquence haute. Et il va associer une petite mélodie pour chaque planète qui tourne autour du Soleil. La Terre, elle a une orbite qui est un tout petit peu elliptique, donc il y a deux notes. Et Kepler nous dit que ces deux notes, c'est mi, fa, mi, fa. Donc la Terre chanterait mi, fa, comme ça. Donc sur une période de mi, fa, mi, sur une période de 365 jours. Et puis dans les notes de son harmonie des sphères, dans la marge, il écrit « Ce n'est pas étonnant, puisque sur Terre, on sait que l'on va toujours de miseria en famina ». Donc mi-fa, mi-fa. Et donc, il donne un certain nombre de lignes mélodiques comme ça. Et surtout, il fait deux remarques. Il dit que, un, il n'est pas musicien, et que, deux, c'est un peu dommage parce que la vitesse varie continuellement le long de la trajectoire. Et lui, il donne des notes, et ça, c'est discret, mi, fa, sol, ainsi de suite. Il dit qu'il faudrait pouvoir changer les notes de façon continue. Et en fait, ça va donner lieu à de développements. Déjà, il y a des gens qui vont s'approprier ces mélodies-là pour faire de la composition musicale. Et puis, au début du XXe siècle, on va avoir aussi le développement de toute une musique électronique, électroacoustique. Et donc, on va arriver à changer les fréquences de façon continue. Et donc, au lieu d'avoir une note, on va avoir des sons qui vont pouvoir se développer de façon continue. Et là, il y en a un, je peux vous le faire écouter parce que je l'ai. En 1979, Willie Ruff et John Rogers s'approprient les idées de Kepler, donc ils reprennent ces mélodies et ils imaginent un voyage du centre du système solaire, donc depuis le Soleil vers l'extérieur, et on entend les planètes rentrer une à une. Donc là, ce qu'on est en train d'entendre, c'est Mercure, la plus proche du Soleil, qui tourne autour de la Terre. On voit bien sa mélodie. Et là, on a une deuxième planète qui rentre, et bien c'est Vénus. Et en fait, on va avoir cette mélodie qui va être modulée en fait par la durée de l'orbite. Donc pour la mélodie de la Terre, elle va se faire en 365 jours. Ils vont tout ramener pour que finalement l'orbite la plus éloignée, donc ils sont allés jusqu'à Saturne, ça soit l'équivalent de 23 minutes. Et donc on a un voyage du centre du système solaire vers l'extérieur et les planètes rentrent les unes après les autres avec leur mélodie modulée en fonction du temps qu'il faut pour faire un tour de Soleil. Et donc voilà, là on a trois planètes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir ces mélodies qui vont rentrer les unes en résonance temporairement, qui vont se moduler les unes les autres, et ça crée en fait une sorte de paysage sonore que l'on pourrait imaginer comme le paysage sonore du système solaire si il y avait de l'atmosphère dans le système solaire pour que le son se propage. Donc voilà, c'est un peu... Là, je peux vous faire faire un petit saut dans l'espace-temps pour voir plus tard ce que ça fait. Bien comprendre que dans cet exercice d'associer des sons à des phénomènes astronomiques, on est en train de faire une sorte de petite licence, on se donne une liberté. Ce qu'on a compris, c'est que le son ne se propage pas dans le vide. Dans l'univers, quand on fait de l'astronomie, toute l'information que nous recevons nous vient de la lumière qui, elle, peut se propager dans le vide, mais il n'y a pas de son. Dans l'univers, tout est très très calme. Et d'ailleurs, on peut même le voir au niveau du cinéma, on a toujours tendance à mettre beaucoup trop de sons dans les films de science-fiction qui se passent dans l'espace, mais imaginez qu'on coupe le son, les vaisseaux ne font pas de bruit. C'est pas comme les voitures sur l'autoroute, ça sert à rien de mettre des bruits qui font vrin comme ça pour montrer qu'ils vont vite, parce qu'en fait, ils ne font pas de bruit. Tiens ton cap. On a deux croiseurs, ils vont essayer de nous prendre en travers. On peut pas les semer, je croyais que ce coucou était imbattable. M'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton seau et va jouer. Il y aura plus de danger dès qu'on passera à la barre de l'hyperespace. D'ici là, je vais te montrer comment on les sème. Attention, la fête va commencer. À combien de temps passe-t-on en vitesse lumière? Il faut un petit moment, le temps de définir les navires composants. Tu rigoles ou quoi? Ils gagnent sur nous! Piloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse batteuse. Il suffit d'un millième d'erreur de calcul et la trajectoire passe à travers une étoile. Ou bien on frôle une supernova et là ta balade est terminée, petit gars. C'est quoi ce clignotant? Ça indique que le déflecteur est réglé. Allez boucler vos ceintures, on passe la barre de la vitesse lumière. Même s'il n'y a pas de son dans l'espace, la guerre des étoiles nous amène à fantasmer d'autres mondes. La science-fiction, par ses voyages interstellaires, nous offre la possibilité d'élargir le monde et de nous projeter dans l'avenir. Mais que peut nous dire la science sur notre avenir? Alors, en contraste avec l'évolution passée du système solaire, donc, qui a dû passer par des phases très violentes d'instabilité dynamique, d'évolution chaotique, le futur du système solaire est plutôt tranquille, parce que maintenant, le système planétaire a acquis une structure grosso modo stable. En fait, pas tout à fait. Les planètes géantes sont absolument stables, et si ça tenait qu'à elles, rien changerait dans toute l'époque future. Les planètes telluriques, elles, ont un mouvement chaotique, et ils ont une certaine probabilité faible de devenir instables, c'est-à-dire l'orbite pourrait commencer à se croiser, il pourrait même y avoir des collisions planétaires, par exemple de Mercure avec Vénus. C'est une probabilité très petite, seulement de l'ordre de 2% sur les prochains 4 milliards d'années. Pourquoi on fait une référence à 4 milliards d'années? Parce que celle-ci, 4 milliards d'années, c'est la vie future du Soleil. Le Soleil, par sa masse, c'est une étoile qui vit à environ 8 milliards d'années, et après elle rentre en crise parce qu'elle termine son combustible nucléaire duquel elle tire son énergie. Donc à la fin des prochains 4 milliards d'années, le Soleil va évoluer, va devenir une géante rouge, donc sa taille va s'étendre beaucoup par rapport à la taille actuelle et va avaler les planètes telluriques. Et donc, évidemment, ce sera la fin du système solaire interne. En plus, le Soleil va perdre beaucoup de masse, environ la moitié de sa masse. La perte de masse de l'étoile centrale modifie les orbites planétaires. Donc, alors, évidemment, le système solaire sera progressivement détruit. Et après, le Soleil se contractera comme une naine blanche et sa luminosité viendra moins. Donc, ça sera la fin du système solaire. Mais bien avant ça, du point de vue de l'habitabilité de la Terre, on aura déjà des problèmes 2 milliards d'années avant. Parce qu'en fait, le Soleil se réchauffe progressivement. Il était 30% plus faible au départ, dans la luminosité actuellement, bien sûr, et il continue à devenir plus chaud et plus brillant. Et donc, ce qu'on appelle la zone habitable, qui est la distance au Soleil à laquelle une planète peut avoir de l'eau liquide en surface, s'éloigne au fur et à mesure que le Soleil se réchauffe. Et d'ici 2 milliards d'années, donc la Terre sortira, qui est en zone habitable aujourd'hui, bien sûr, sortira de la zone habitable, sera trop proche au Soleil, non pas parce que ça rapproche au Soleil, mais parce que le Soleil deviendra plus chaud. Et donc, la température deviendra telle que l'eau liquide à la surface terrestre ne sera plus possible, donc la planète ne sera plus habitable. Une chose que ça me ferait plaisir de rajouter là-dessus, c'est que donc effectivement, je suis tout d'accord avec Alexandro que la Terre va sortir de la zone habitable. Mais Sébastien Charnoz. Juste pour continuer sur ce qu'a dit Alexandro, la zone habitable, c'est cette espèce de zone un petit peu imaginaire dans laquelle on peut avoir de l'eau liquide. En fait, cette zone, donc comme le dit Alexandro, en fait, va se déplacer vers l'extérieur du système solaire. Et il n'est pas du tout impossible dans ce cas-là que cette zone habitable se déplaçant vers l'extérieur, on va peut-être avoir de nouveaux endroits où la vie pourrait se développer. Et je pense en particulier aux satellites des planètes géantes, parce que les satellites des planètes géantes, eux, sont très riches en eau. Et dans ce cas-là, il ne serait pas du tout impossible que si la température monte suffisamment, alors après, exactement à quelle température, il faudrait faire le calcul, mais on pourrait imaginer que la température monte suffisamment, cette fois-ci peut-être dans la partie interne du système solaire externe, autour de Jupiter. Et dans ce cas-là, ces satellites qui sont très riches en eau pourraient peut-être voir leur partie superficielle fondre, et ça pourrait être des nouveaux sites d'habitabilité pour la vie. Voilà. Donc il y a peut-être un avenir à la vie dans le système solaire, mais peut-être que cet avenir n'est pas sur Terre. En fait, il faut savoir qu'il y a énormément d'eau en fait dans le système solaire. Simplement, cette eau est sous forme de glace. Il y a énormément d'eau qui est stockée après Jupiter, au niveau de Jupiter et bien sûr après Jupiter. Alors, il y en a à l'intérieur des planètes géantes, mais bon, sous une atmosphère très épaisse, donc c'est pas des bons endroits pour la vie. Mais il y a beaucoup d'eau qui est stockée dans les satellites des planètes géantes. Donc, par exemple, Jupiter a 4 grandes lunes, qu'on appelle en hommage à Galilée, c'est ces 4 grandes lunes qu'on appelle les satellites galiléens. Donc, vous avez Europe, Callisto et Ganymède qui eux contiennent beaucoup d'eau. Alors, Io, lui, qui est le plus proche des satellites galiléens, lui a perdu toute son eau, ou peut-être en a jamais eu. Donc ça, c'est un petit peu, ça dépend des modèles de formation. Mais par exemple, si vous fondez Europe, le satellite Europe, vers lequel d'ailleurs va y avoir une mission américaine qui va décoller dans quelques années. Si vous fondez Europe, eh bien vous attendez, dans ce cas-là, à créer une atmosphère qui sera sûrement riche en eau, qui pourra peut-être même faire un effet de serre. Et dans l'état actuel des connaissances, qui sont quand même très faibles sur l'origine de la vie, on pourrait potentiellement imaginer que peut-être la vie puisse se développer là-bas. Voilà. Du simple fait qu'il y a un réservoir d'eau, il y a un réservoir d'énergie qui serait les effets de marée avec Jupiter et le Soleil, et peut-être qu'on pourrait avoir de l'eau liquide qui apparaît en surface. Voilà. J'aimerais bien vous dire, il va y avoir de la vie. Le truc, c'est qu'on ne sait toujours pas comment la vie apparaît. Voilà. Donc, si on dit la recette pour faire la vie, on ne la connaît pas très bien. Il y a quand même un accord général pour dire que le minimum pour qu'il y ait de la vie, c'est qu'il y ait de l'eau liquide et une source d'énergie. Eh bien, à l'heure actuelle, il y a de l'eau liquide sur Europe, mais elle est sous une croûte de glace. Donc, certaines personnes pensent qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de la vie à l'heure actuelle sous la croûte de glace d'Europe. On n'en a aucune preuve. Il faut être parfaitement clair. Mais ça paraît théoriquement possible. Voilà. Si maintenant, vous augmentez la température du Soleil et que Jupiter, par exemple, passe dans la zone habitable, parce que le Soleil est plus chaud, eh bien, dans ce cas-là, on pourrait imaginer que la partie superficielle de ces satellites de glace fonde. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait avoir des océans et peut-être de la vie qui apparaît sur les satellites des planètes géantes. Je trouve que c'est une perspective qui ressemble un peu à la science-fiction, mais c'est une perspective qui, potentiellement, pourrait être très intéressante. Voilà. Oui, mais il faut dire, Sébastien, que la vie met beaucoup de temps pour évoluer, surtout pour se complexifier. Oui. Et là, on est en train de parler vraiment d'une phase très transitoire. C'est vraiment la flambée finale du Soleil qui permet de... porter la zone habitable à distance de Jupiter, mais après le Soleil, au contraire, après cette flambée finale va s'éteindre pour devenir une naine blanche, et donc la durée de vie dans cette zone habitable va être très éphémère. Et donc probablement la vie, même si elle tend à se développer, n'aura pas le temps de se complexifier significativement. Alors je suis d'accord avec Alessandro, voilà. Simplement, je note juste qu'on a quand même des échantillons de vie sur Terre qui sont, je crois que les traces les plus anciennes de vie sur Terre, si je ne dis pas de bêtises, c'est 3 milliards, combien ? 3 milliards 6. Donc 3 milliards 6, ça veut dire, ça veut dire moins de 1 milliard d'années, ça veut dire à peu près 800 millions d'années après la formation du Soleil, ce qui peut paraître long, mais ce qui quand même reste relativement court par rapport à l'âge du système solaire. Donc, mais je suis d'accord. Voilà, 4 milliards et demi d'années. Voilà. On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées. Bon sang. Hyperespace pour tomber dans une pluie de météorites, on dirait une collision d'astéroïdes. Ça ne figure sur aucune carte. Mais qu'est-ce qui cloche ? Notre position est correcte, mais il n'y a pas d'Aldorande. Où est-ce qu'elle peut être alors ? C'est justement ce que j'essaie de te dire, petit gars, elle est partie en poussière. Quoi ? Comment ? Désintégrée par l'Empire. Leur flotte tout entière ne suffirait pas à détruire une planète, il faudrait des centaines d'appareils avec une puissance de feu qui... Il y a un appareil qui approche. Il sait peut-être ce qui s'est passé ? Un chasseur impérial, on dirait. Il nous a suivis. Son rayon d'action est bien trop court. Il n'y a aucune base dans le coin, d'où est-ce qu'il peut venir? Regardez, il se dirige vers cette petite lune là-bas. Je le rattraperai avant qu'il se cache derrière, il est presque à portée. Non, ce n'est pas une lune. C'est une base sidérale. C'est impossible, c'est bien trop grand. Oh, il me vient un pressentiment bien étrange. Faites demi-tour. Ouais, je crois que vous avez raison. Inverse les fusées de Chico, bloque les auxiliaires à mort. Alors, les prochaines missions dans le système solaire, c'est les exoplanètes. Parce que les exoplanètes, c'est des éléments, ce sont des modèles différents, en fait. Et un modèle de formation de planètes, il doit expliquer pourquoi il y a les planètes telles qu'on les connaît autour du Soleil et pourquoi autour d'autres étoiles, on va retrouver des planètes différentes. Pourquoi on va retrouver des géantes gazeuses très proches de leur étoile alors que ce n'est pas le cas dans le système solaire. Voilà. Et comme il y a de plus en plus de missions qui cherchent ces exoplanètes, qu'on en découvre finalement quasiment tous les jours, bien plus on va découvrir des choses différentes, mieux ça va permettre d'affiner les modèles qu'on va avoir pour expliquer la formation du système solaire, mais aussi de tous les systèmes exoplanétaires qu'on découvre. Est-ce que sur une des exoplanètes, des milliers d'exoplanètes qu'on découvre, il y aurait une planète habitable et peut-être de la vie ? Il y a aussi cette question-là qui est quand même très importante et à laquelle on a envie de répondre. Les astronautes qui sont en orbite le disent, hein, ce qu'ils aiment bien c'est voir la Terre. Depuis la station spatiale, vous voyez la Terre dans le ciel, vous pouvez observer les continents, vous pouvez observer les mers, ce genre de choses. Ceux qui sont allés vers la Lune, vous voyez toujours la Terre dans le ciel, hein, à peu près 4 fois plus grande que ce qu'on voit nous, la Lune. Donc elle est toujours présente, elle est toujours là. Et la grande question c'est si on veut aller plus loin, et notamment vers Mars, à un moment donné, ça ne sera plus qu'un seul point. on va perdre la vision de la Terre et comment psychologiquement l'être humain va pouvoir se dire mais j'ai plus cette vision de la Terre, je vois plus notre planète, je suis dans le vide spatial avec juste des petits points pendant plusieurs mois, c'est ça, juste des petits points autour de moi et aucun objet, même pas notre planète qu'on connaît si bien. Comme dirait Carl Sagan, pale blue dot, perdu dans l'immensité obscure. Voilà, donc il y a une photo de sonde voyageur qui s'est retournée vers la Terre et qui a pris cette photo où on voit juste un tout petit point et nous sommes tous à l'intérieur. Évidemment, c'est pris avec un instrument qui permet quand même un petit peu de grossir. L'être humain, lui, à un moment donné, se retrouvera vraiment devant un point parmi tant d'autres dans le ciel tout autour. Mathieu Bellard, Sébastien Charnoz, Alessandro Morbidelli et Jean-Philippe Usan. Lecture, Arnaud Chéron. Traduction, Arjuna Andrade. Prise de son, Patrick Muller, Yann Fressy et merci à Sandrine Malon. Mixage, Mathieu Tourin. Documentation, Annie Signoret. Archivina, Anne Delaveau. Documentation musicale, Antoine Villoz. Attaché d'émission, Marivona Bolivier, Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Les cosmographes, croisière dans l'archipel planétaire. Un documentaire de Céline Lozen, réalisé par Marie Placet.